vais pas te mentir, c'est pas la fête. À vrai dire, je suis pas trop dans mon assiette. Comme chaque soir, on se reverra peut-être. Faire avec. Comme chaque soir. Yeah. Yeah. On a perdu la connexion. Nos cœurs ont fait l'amour sans protection. Plus c'est fort, plus la chose est sombre. Encore une histoire de possession. J'ai fait les choses dans l'emergency. Je me suis cru invincible. Je vais tirer sur plein de cibles. Ce soir, je pète un câble. Je pète un câble. Ils te diront que c'est mes origines arabes. Mais je perdrai pas la tête. Je gâcherai pas la fête. Je règle mes paramètres. Je te passe pas la manette. Je mets sur le compte de la maladresse. Je suis parti loin. Je te donne pas l'adresse. Toi, tu t'es pas retourné. Un beau parcours, mais l'impression d'avoir tourné. Dans un court-métrage, dans un bourbier. Comme étourdi, noyé dans mes soucis. Tu vas pas me baiser ce coup-ci. Yeah. Je te bute la colombe sur l'épaule. Comme l'impression d'être sur écoute. Comme l'impression d'être sur écoute. Depuis l'époque de l'école, j'ai pas pour but de les rassurer tous. T'es le dernier de mes soucis. Perdu dans un trou de souris. Soir de ciel tout gris, je tourne comme une toupie. Je suis dans la tornade sous le tsunami. Je pensais qu'une promesse tenait toute la vie. Je vais pas te mentir, c'est pas la fête. À vrai dire, je suis pas trop dans mon assiette. Comme chaque soir, elle reviendra peut-être. Je crois pas, faudra faire avec. Je vais pas te mentir, c'est pas la fête. À vrai dire, je suis pas trop dans mon assiette. Comme chaque soir, elle reviendra peut-être. Je crois pas, faudra faire avec. Yeah. Tout a un prix sauf la famille. T'as brouillé l'information comme Mario Draghi. Et je veux plaire sans complaire, je veux me taire et qu'on me comprenne. Je suis comme sous terre, je pars en bon terme. Et t'étais sous serment et tu t'es foutu de moi, tu l'as fait sincèrement. C'est ça le pire dans tout ça. T'es un peu comme un serpent, t'aimes ça faire semblant. Ça te mènera nulle part de faire l'enfant. Les sentiments poussent comme mauvaise herbe. On a glissé doucement jusqu'au mauvais terme. Allez, tire les rideaux, laisse-les pas voir comment je t'aime. Et dis-leur pas tous mes côtés obscènes. J'ai des démons dans la tête. Et je le crie quand tout va bien, mais je la ferme quand je suis bien trop faible. En batterie faible, et c'est toi qui as le chargeur. Je suis pas un putain d'acteur, ça se voit quand j'ai peur. Ma solitude ne m'a jamais laissé seul. Relation morte, j'ai du mal à faire le deuil. Y'avait personne pour me sécher l'œil. Et pour me vider le cœur, j'ai dû remplir des feuilles. Je suis dans la tornade sous le tsunami. Je pensais qu'une promesse tenait toute la vie. Je retourne le Cayenne, je me rends compte que t'es pas mienne. J'oublie ton visage dans les bras d'une Italienne. Je vais pas te mentir, c'est pas la fête. À vrai dire, je suis pas trop dans mon assiette. Comme chaque soir, elle reviendra peut-être. Je crois pas, faudra faire avec. Je vais pas te mentir, c'est pas la fête. À vrai dire, je suis pas trop dans mon assiette. Comme chaque soir, elle reviendra peut-être. Je crois pas, faudra faire avec.